en baisse pas, ton petit bouli m'assassine. Demande à la ville, tout le quartier dans les îles. Il n'y a pas le PGP, donc je vais casser la cim. Je traîne là où il fallait pas. J'en peux pas, je me taille à Marbella. Tout le check en fusée Rebenga. Tout le check en fusée Rebenga. J'en peux pas, tous les quartiers, ouais, ouais, ouais, ouais. Le casque, je suis refait. L'effet de la moula pour tout demander à la ville. Assise dans la petite cryo, elle me dit moi je veux bouler bille. Genre des béchés comiques, je parle à la mise au Wico. Ça fait des stamps dans la cellule, puis tout Puerto Rico. Ces fils de pute, ils m'ont eu, mon frère jugé à Wico. Je peux me trouver sur la lune, 13-0 15 muchacho. Une bouteille, deux bouteilles, elle est refaite. Les chevets qui touchent le bout, le signe va y'en écarter. Il fait le voyou, je suis rouffé, mais jaloux, je suis la fusée. La famille est plus partout, 13-0 15 camouflé. Tu tires la langue un peu comme l'a fait Mani. Tu sens la verte, elle laisse à la vanille. Boussa au jaloux, j'ai déclaré la magie. Catalina, le charbon c'est ma vie. Le charbon c'est ma vie. Le charbon c'est ma vie. Le charbon c'est ma vie. Chapeau de paille tous les quartiers, ouais ouais ouais.